Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose d'aller flâner dans des lieux chargés d'histoire. Direction le musée de Cluny à Paris, quand le Moyen-Âge fait peau neuve. Et rendez-vous au musée d'Henry pour une incroyable collection d'art venue d'Asie. Une balade qui nous conduit de la Bibliothèque nationale de France, un si riche lieu, au cimetière du Père-Lachaise, l'histoire six pieds sous terre. Ces lieux de mémoire sont aussi ceux de la traite et de l'esclavage, sans oublier l'urbex, avec les aventuriers de la friche perdue. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Cinquante-neuf avenue Foch à Paris, voici le musée d'Henry. Quartier cossu, belle avenue, bel immeuble, enfin hôtel particulier. Alors une indication, musée des arts asiatiques Guimet. Ah, autre indication, visite sur réservation. Eh bien, ça tombe bien, nous avons réservé. Eh bien, ça y est, nous voici au musée d'Henry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Adolphe d'Henry ? Pas tout à fait, non. J'ai quelques années de moins. Vincent Lefebvre. C'est ça. Le directeur du musée d'Henry, directeur des collections au musée Guimet. Tout à fait. Qu'est-ce que ce bâtiment ? Alors, c'est l'ancien hôtel du couple d'Henry qui a été construit en 1875 sur ce qui s'appelait à l'époque l'avenue du Bois. Donc aujourd'hui, on connaît mieux sous le nom d'avenue Foch. Donc cette avenue chic qui permettait aux gens fortunés d'aller en calèche jusqu'au bois de Boulogne. Et donc dans cet hôtel particulier où s'est installé Clémence, née Le Carpentier, qui vivait longtemps en concubinage avec celui qui était à l'époque un très célèbre dramaturge et auteur de pièces de théâtre, Adolphe d'Henry. Assez oublié aujourd'hui, il faut bien l'avouer. Et ils ont vécu en concubinage et puis ils ont fini par se marier sur le tard lorsque Clémence Le Carpentier, épouse des Granges, s'est retrouvée veuve. Donc c'est là qu'ils vivaient et surtout que Madame d'Henry, une fois qu'elle est devenue une femme respectable et mariée, a pu disposer toute sa collection d'objets provenant d'Extrême-Orient. Oui, c'est pour ça que le musée d'Henry est lié au musée Guimet, musée des arts asiatiques. Alors en fait, ce sont deux musées distincts, même au titre du Code du patrimoine aujourd'hui, dans la liste des musées nationaux, ce sont deux musées séparés, mais effectivement, administrativement, c'est rattaché à l'établissement public du Musée national des arts asiatiques Guimet. Dites donc, quand on voit le bâtiment, donc hôtel particulier, vous dites Adolphe d'Henry, donc auteur dramatique, à succès, j'imagine, ou en tout cas, il y a des sous dans la famille. Hein. Alors lui, effectivement, il a écrit près de 200 pièces de théâtre, livrets d'opéra, il a fait des livrets pour Gounod, par exemple, qui était un ami du couple. Donc, il a été était très riche, mais elle-même avait une fortune personnelle qu'elle a su faire fructifier. On n'a pas beaucoup de détails hein, sur la manière dont ils ont vécu. On sait finalement peu de choses, surtout sur Clémence d'Henry. Pour constituer une collection et se faire construire un hôtel particulier, il faut des moyens. Ouais, et puis un bel hôtel particulier, il n'y a pas à dire. Je vous suis, on y va ? On y va. Allez. Alors, entrer dans le bâtiment. Ah oui, c'est beau, ça, c'est du vestibule. Hein. On est dans l'hôtel particulier, tout à fait typique, dans un style assez néoclassique. Là, dans ce hall, au bas de l'escalier, les marbres multicolores nous entourent. Donc on est vraiment dans une ambiance belle époque. On pourrait voir surgir Odette Swann au détour d'une porte. Donc on est vraiment dans une ambiance proustienne. C'est pas Odette Swann qui vient de surgir. Bonjour. Bonjour, vous êtes Clémence d'Henry. Non, pas du tout. Alors, je suis Elisabeth Emery. Elisabeth Emery. Voilà, ça ressemble, mais c'est pas ça. C'est vrai que Vincent Lefebvre vient de nous présenter ce lieu, bâtiment exceptionnel, avec ce couple. C'est vrai que c'est un couple intrigant, et dans le vestibule, il est là, c'est le buste d'Adolphe d'Henry ? Oui, tout à fait. Avec la Légion d'honneur, hein, on voit que l'homme est important, c'est un homme avec un hôtel particulier, avenue Foch aujourd'hui à Paris. C'est vraiment un lieu absolument extraordinaire, mais toujours très intriguant hein, de voir sur ce lieu un nom associé d'Henry, un buste, celui d'Adolphe. Il y a elle, surtout Clémence, parce qu'il faut vraiment le dire, c'est elle qui est au cœur de toute cette histoire. Absolument, y compris la Légion d'honneur qu'elle est allée pêcher au ministre. Donc c'est elle qui écrit, ah, il n'aimerait pas qu'on le dise, mais il le mérite. Bon, Clémence Tenry, ils se rencontrent très jeunes. Elle est née en 1823. Elle fréquente sa famille, est issue de la petite noblesse. Elle grandit rue de Bondy, donc juste derrière le théâtre Saint-Martin, où elle a dû croiser Adolphe Tenry. Ils ont écrit ensemble deux pièces de théâtre. Donc en fait, elle n'était pas actrice. Si elle a été actrice, ça a été de façon assez amateur. C'est pour ça qu'on ne trouve plus de traces d'elle dans les archives. En revanche, elle a écrit sous un pseudonyme deux pièces de théâtre avec Tenry. Ah oui, donc elle bossait pour lui. En fait, c'est vraiment d'ailleurs souvent très intéressant de voir combien les femmes, et notamment épouses d'eux, sont en réalité celles qui sont créatrices. Là, on sent qu'elle est vraiment dans la création de ce qu'offre son mari Adolphe Tenry. Et puis, à côté de tout ça, il y a ce lieu et cette collection. Cette femme-là avait un intérêt particulier pour l'Extrême-Orient. Absolument. Elle aimait toujours les beaux objets, c'est-à-dire les tout petits objets tactiles qu'elle pouvait tenir dans sa main. Parmi ses tout premiers objets achetés dans les années 1840, quand même, nous sommes bien longtemps avant l'ouverture du Japon, sont des espèces de sculptures, de très beaux bois, racines, sculptées en crapaud, par exemple. Vincent Lefebvre, dans ce goût pour l'Orient, puis l'Extrême-Orient, qui nous conduit vraiment là jusqu'au Japon, il y a une chronologie. Et dans ce que vient de dire Elisabeth Emery, il y a ces années 1840 avant l'ouverture du Japon, l'ère Meiji 1868, mais le goût pour le japonisme est déjà présent. Alors, en fait, il y a un goût pour l'Extrême-Orient qui est beaucoup plus ancien, qui remonte au temps des compagnies des Indes. Donc dès le XVIIe siècle et plus encore le XVIIIe siècle, quand par l'intermédiaire de ce qu'on appelle à l'époque les marchands merciers, dont le célèbre Gersin, dont Watteau a peint l'enseigne, on faisait venir, souvent en transitant par Amsterdam d'ailleurs, qui était la grande plaque tournante, des objets exotiques venant d'Asie, en particulier de la porcelaine et des lacs. Et c'est ainsi qu'on a meublé nombre de palais, châteaux royaux ou princiers à travers toute l'Europe, quitte quelquefois à démonter un paravent pour en faire des panneaux d'une commode. Mais donc il y a toute cette tradition ancienne. Et d'ailleurs, une bonne partie de ceux qui vont développer un goût pour le Japon au XIXe siècle, et je pense au Goncourt, ils y viennent en fait par le XVIIIe siècle. Et c'est en s'intéressant par exemple à une figure comme celle de Marie-Antoinette qu'ils vont s'intéresser au lac, parce qu'on sait que Marie-Antoinette tenait de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, une collection de lacs du Japon, lac d'exportation d'ailleurs. Et donc c'est en s'intéressant à Marie-Antoinette qu'ils s'intéressent au lac et ensuite au Japon. Et puis ensuite ils vont aller vers un Japon peut-être plus authentique dans le sens où ce sont des objets qui ne sont pas conçus pour l'exportation. Et là je pense à l'estampe, au tamaro, au kusai. Mais donc dans les années 1840, on est encore avant l'ouverture du Japon, puisque le seul point d'entrée c'est l'île de Nameshima dans la rade de Nagasaki, où seuls les Hollandais avaient le droit de débarquer. On est encore dans cette époque où arrivent des objets exotiques, mais le Japon n'est pas encore tout à fait ouvert. Mais de ce point de vue-là, Clémence Tenry, elle est un peu l'héritière de ces collections aristocratiques du XVIIIe siècle, et elle amorce déjà quelque chose de nouveau, ce qu'elle va ensuite accroître au fil du temps. Elisabeth Emery. Il est très intéressant de parler du XVIIIe siècle et des Goncourt, parce que dans le journal, nous avons les seules traces de son esprit effervescent, esprit de répartie, et la décrit comme une femme du XVIIIe, quelqu'un qui viendrait d'une pièce de Beaumarchais, par exemple. Oui, parce que les Goncourt, c'est cet entourage-là. Hein. Tout à l'heure, vous évoquiez, Vincent Lefebvre, le fait qu'on est dans un univers quasi proustien qui se trouve dans l'entourage du couple Henry. Alors, il y a du beau monde et les Goncourt, donc. Il y a les Goncourt, il y a énormément de stars du théâtre. Il y a les dramaturges, les collaborateurs d'Henry. Il y a Jules Verne, qui a co-écrit des pièces avec Henry, qui ont monté des romans au théâtre. Il y a les forces du journal de l'époque, Arthur Mayer, Aurélien Scholl, bon, toutes les figures, Georges Clémenceau, qui vient, jeune homme, Henri de Rochefort, parmi bien, bien d'autres. un des plus singuliers salons du monde. Sur des étagères qui commencent au tapis et font monter en l'air leur toit de pagode, c'est la ménagerie de la fantaisie. Monstres blancs, verts, noirs, bleus, multicolores, toutes les chimères d'un rêve d'opium, bronze, jade, porcelaine, bois, cristal de roche, le tonkin et le kaolin, un peuple d'animaux qui semble tiré de la côte d'un plésiosaure et d'un dragon, des animaux antédiluviens et des animaux de la fable. Quelle singulière idée pour une femme! Quand on m'en a parlé pour la première fois, ça m'a tout de suite fait penser que vous n'étiez pas une femme comme les autres. Le journal des frères Goncourt en 1859. Merci, Jeanne Delecroix, pour cette lecture. Là, il y a l'évocation de ce bestiaire admirable collectionné par Clémence d'Ennery. Alors, il faut parler de cette collection parce que c'est absolument fou. C'est-à-dire que durant toute son existence, elle a amassé, et j'ose le mot, un nombre énorme d'objets de tout type qui viennent. Alors, qui viennent d'où? Parce que dire Extrême-Orient, c'est très très large. Ça vient d'où? Du Japon, de Chine? De Corée, du Vietnam, à Birmanie à l'époque. Donc partout, mais surtout de Paris, des marchands installés à Paris. Donc j'ai mentionné la rue de Bondy. Il y a tout ce quartier de commerçants, de marchands qui vont importer. Ils ont un comptoir au Japon, importer puis vendre sur le marché parisien. Clémence d'Ennery, elle a fréquenté. Bah, quand même là, elle a fait, la collection, c'est une affaire de vie. Elle a commencé dans les années 40. Elle est morte en 98 quand même, donc 50 ans de collection partout dans Paris. Sans jamais avoir quitté la France. Elle a quitté la France, bien sûr, mais sans aller jusqu'en Asie. Non, et je pense que là, on parle beaucoup, on dit « Ah, ils ne sont pas partis ». Il faut penser en génération. Ceux qui sont partis sont beaucoup plus jeunes. Donc Lottie, par exemple, qui a 30 ans de moins de Clémence d'Ennery, ou même Clémenceau, 20 ans de moins, Goncourt. Elle a exactement le même âge qu'Edmond de Goncourt. Donc elle a voyagé en fauteuil, disons, en lisant, en rêvant, mais sans jamais, elle était trop âgée à l'époque pour faire ce voyage assez... assez éprouvant, au bout du monde. Hein. Vincent Lefebvre, combien d'œuvres dans ce musée? Autant dire, combien d'œuvres dans la collection de Clémence d'Ennery? Environ 7000. Avec de tout petits objets ou de très grandes œuvres, de très grandes pièces? Oui. Alors, il y a un peu toutes les tailles, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites choses. En fait, c'est typique des collections aussi qui sont faites pour décorer un intérieur. Enfin, c'est des choses, comme le disait Elisabeth Emery, elle aimait toucher les objets, donc des choses qui sont transportables. Et on même si on a peu d'informations sur ce qu'elle faisait au quotidien, on l'imagine assez bien rentrer dans une boutique et repartir avec un petit Netsuke dans son sac à main, en fait. C'est des choses qui sont faciles à transporter. C'est quoi ça? Netsuke, c'est une sorte de petit bouton, généralement en ivoire, qui sert à retenir à la ceinture du kimono, donc du vêtement traditionnel japonais, les petits boîtiers qui servaient de poche, qu'on appelle aussi les inro, donc ils sont retenus par une cordelette, et pour que la cordelette ne glisse pas, il y a un bouton en ivoire, généralement, ou en os, parfois en bois, qui s'appelle les Netsuke, et qui adopte une forme... assez fantastique ou amusante, et ça a été énormément collectionné au 19e siècle et encore au 20e siècle. Donc on en trouve énormément en Europe, mais alors on en trouve particulièrement beaucoup au musée d'Ennery. Vincent Lefebvre, Elisabeth Ennery, il est peut-être temps d'aller voir la collection. Faut monter, c'est ça, hein? C'est ça. Allez. Voilà, direction le premier étage. Là, nous nous trouvons au premier étage, c'est le début de la collection, et vous êtes là. Bonjour, Clémence d'Ennery. Toujours pas. Toujours pas, Sabine Ducret. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, nous cherchons Clémence depuis l'arrivée, et nous ne la voyons pas parce qu'elle n'est nulle part, mais en réalité, elle est partout. Et non seulement elle est partout, mais je pense que ce musée est plus qu'un musée, généralement, c'est une œuvre, et c'est son œuvre. Je pense que les demeures peuvent être des œuvres d'art, et là, c'en est une à part entière. non seulement elle a permis de la transmission des connaissances et de l'intérêt et du goût pour les objets venant d'ailleurs au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, et elle a renouvelé aussi ce goût par ses propres intérêts qu'elle a manifestés, en particulier pour les arts asiatiques, Chine, Japon notamment, en constituant cette collection de tout petits objets, en inventant des vitrines pour les recevoir, pour les exposer, en inventant des lieux que les Goncourt avaient beaucoup appréciés pour leur aspect théâtral. Et justement, pour qu'une œuvre d'art existe, je pense qu'il faut qu'elle émeuve. Et ce lieu est spectaculaire, il est théâtral, parce que Clémence l'a voulu ainsi. Clémence, que l'on appelait aussi Gisette, d'ailleurs, peut-être qu'il faut le dire, l'appeler Gisette aujourd'hui aussi non, c'est vrai, on peut l'appeler par son surnom par lequel elle était peut-être le plus connue. Et elle recevait donc dans ces lieux qui aujourd'hui paraissent un peu sombres, bien sûr, puisque c'est le goût du 19e. C'est le goût du 19e, mais aussi parce que les persiennes sont fermées et que on a l'idée de préserver tout ça. Mais son idée, c'était de recevoir, c'était d'être dans un lieu de spectacle. Et tout le montre. Elle a des vitrines ouvertes, vitrées, justement, ces meubles qui sont faits par Viardot. Viardot que lui présente d'ailleurs Clémenceau. Tout ça, c'est un petit monde de grands amateurs et de personnes qui se définissent, en fait, aussi beaucoup intellectuellement en fonction de leur rapport à l'Orient, au monde asiatique. Ça n'est pas simplement le divertissement d'une femme désœuvrée qui va faire ses courses au bon marché dans l'après-midi. Elle investit vraiment ses objets. On le voit simplement à la manière dont elle les dispose, dont elle choisit de les installer. Ce sont de véritables installations, au sens où aujourd'hui on parle d'installations dans l'art contemporain. Et elle a renouvelé complètement le goût pour l'art asiatique, et peut-être est-ce une très très bonne chose que ce musée ait été finalement un peu oublié, parce qu'on retrouve aussi aujourd'hui les lieux presque comme si elle les avait quittés. Vincent Luther. D'ailleurs, à cet égard, il faut quand même préciser que le legs très précis de Clémence Dennery interdit qu'on change quoi que ce soit à la présentation qu'elle a mis elle-même en place. Et de même qu'on n'a pas le droit de prêter d'objets, comme ça peut faire penser aussi à la collection du duc d'Aumale au musée Condé de Chantilly. C'est assez dans l'esprit du 19e siècle. Aujourd'hui, on n'aime pas trop ce genre de clause dans les legs. Mais je crois que même si aujourd'hui on avait la liberté de changer ce qu'on n'appelle pas de la muséographie à l'époque de Clémence Dennery, mais on ne changerait rien, parce que ce qui fait aussi tout le charme et l'intérêt de ce musée, c'est cette manière de présenter qui est l'antithèse d'un musée contemporain et même, oserais-je dire, l'antithèse du musée Guimet. Eh oui. Quand on est dans ce musée, c'est un spectacle. Moi, je reprends vos mots, Sabine Ducresse. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et vous êtes à tous les trois ici, Vincent Lefebvre, le directeur du musée, et vous, Elisabeth Emery, vous êtes professeure de littérature, de culture française à la Montclair State University, c'est aux États-Unis, dans le New Jersey. Eh bien, tous les trois, vous allez me chercher, là, dans cette première salle, l'œuvre que vous voulez me montrer. Il y en a tellement, on a dit 7000 environ. Alors, Sabine Ducray, je vois chercher. Oui, je cherche une chimère, alors parce que c'était sa passion, les chimères, et j'en cherche une un peu spéciale, qui je crois est dans la vitrine ici, qui alors est passionnante, parce que c'est la seule que je connaisse comme ça. Alors c'est un chien de feu en réalité, et les chiens de feu, généralement, on les reconnaît parce qu'ils ont leurs pattes posées sur une boule. Et dans ce cas-là, on a quand même une pièce qui fait bien 40 cm de haut. Et en fait, ce chien de feu est posé sur un socle qui est une base, en fait, faite elle-même de plaques de porcelaine de Chine émaillées et enserrée dans une structure de bronze doré, sur un socle lui-même de bronze doré du XVIIIe siècle. Et au lieu de la boule habituelle, on a une petite horloge ronde. Et là, c'est une, je pense, une invention de Clémence associée à un objet qui a une allure très 18e, mais que l'on ne retrouve pas au 18e siècle dans les collections. Alors, on sait que Clémence a acheté aussi sur dans le marché parisien, chez des marchands, chez de grands marchands, qui eux-mêmes ont pu se fournir dans de grandes ventes, et en particulier la vente de la duchesse de Montebello, la veuve du maréchal Lannes, qui en 1857 a été vraiment un moment de redispatching, on dirait aujourd'hui, sur le marché parisien, de pièces très importantes du XVIIIe siècle, tout à fait dans ce goût-là, justement, des marchands merciers qui étaient évoqués tout à l'heure, qui constituent ces objets de porcelaine de Chine, lac du Japon, avec des montures qui reçoivent de magnifiques montures, certaines, par les plus grands orfèvres parisiens du XVIIIe siècle, et qui composent ce que j'appelle moi des objets frontières, c'est-à-dire des objets faits en Europe avec des objets extra-européens, et qui montrent bien cet entre-deux du goût, et un goût très personnel, adapté aux lieux européens, c'est-à-dire que pour poser sa boule de savon de lac du Japon, par exemple, Marie-Antoinette avait bien sûr une base en bronze doré pour la poser sur sa commode, qui pouvait être elle-même faite avec des lacs du Japon. Et cela permet aussi de comprendre comment on comprenait ces objets, c'est-à-dire qu'on les comprend de façon très, très charnelle, en fait. On est tout entier investi dans la connaissance de l'autre. C'est d'autant plus intéressant que c'est un autre très lointain que l'on cherche à s'apprivoiser comme ça, mais que l'on a, qui nous modifie aussi à ce contact. Clémence disait « Non, je ne suis pas savante ». En réalité, elle se réservait à sa collection, avec laquelle elle entretenait un rapport particulier, comme on vient de le rappeler. Et en fait, ce goût personnel est un moteur de la connaissance. Elisabeth Emery, nous sommes là toujours dans cette première salle d'une collection absolument folle. Faut le dire, hein, c'est un système en fait de vitrines chargées. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté-là parce que c'est le reflet du goût du 19e siècle avec une accumulation de pièces. Que valent-elles ces pièces ? Comprenez-moi au sens muséal, est-ce que Clémence Emery achetait un peu n'importe quoi et puis exposait du moment que ça rendait bien, ou était-elle à la recherche d'une œuvre ancienne et extrêmement rare ou particulière ? S'il y a de quoi, il y a un peu de tout en fait. Absolument. Il est assez intéressant de voir qu'elle, à la fin de sa vie, elle continuait à se procurer le même genre d'objets qu'elle aimait adolescente. Alors pour les vitrines, c'est une histoire compliquée parce qu'elle commence alors du moment où elle travaille avec Émile Guimet, puis Clémenceau, Henri Rougeon, directeur des Beaux-Arts à l'époque, il y a beaucoup d'échanges avec le gouvernement. Et eux, ils décident, oui, ce serait mieux d'avoir plus d'objets, plus d'espace, on va créer ce grand musée. Donc tout au long, Clémence Denry achète, elle travaille avec deux grands ébénistes de l'époque, Mazarose Ribalier, et ensuite Gabriel Viardot, dont la plupart de ces meubles en nacre, avec les petits toits en pagode. Mais vous avez lu le texte des Goncourt, donc même en 59, elle a cette esthétique qui met en valeur les objets qu'elle considère comme des enfants. Oui, parce que la vitrine elle-même est une œuvre d'art. Exactement, c'est exactement ça. Donc en fait, le musée n'est pas simplement un musée d'objets d'Extrême-Orient, mais un musée de l'art du 19e français, comme on vient de l'évoquer. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Dites-nous, est-ce qu'il y a des œuvres rares ici ? La collection, je pense qu'il faut d'abord l'apprécier comme un tout, comme l'œuvre d'une vie. Parce qu'il y a beaucoup d'objets, si vous les singularisez, sortis de cette collection, et sans cette provenance, ils n'auraient sur le marché pas forcément une grande valeur. Mais il y en a. Je vois, j'ai des collègues qui hochent la tête. Certains sont dans les Netsuke que j'évoquais tout à l'heure, ne sont pas tous d'un grand prix. Et puis à côté de ça, il y a des œuvres tout à fait insignes. Et ça, c'est aussi une différence par rapport à ce qu'on peut voir dans des musées plus modernes, où on a tendance à singulariser et à isoler le chef-d'œuvre par des moyens muséographiques, avec une mise en lumière particulière. Là, il faut le chercher, il faut avoir l'œil du connaisseur. Enfin, vraiment, je vais employer le mot franglais de connoisseurship. On est un peu dans cet esprit-là. Et donc, c'est plus le cabinet de l'amateur. On est entre le musée et le cabinet de curiosité, en fait. Oui, c'est ça. Sabine Ducré. Oui, alors, il y a des pièces, cependant, rarissimes en France, ici, que Clémence a été, non pas la première à collectionner en France, parce qu'il y en avait auparavant, mais sans doute la seule à en collectionner autant au milieu du XIXe siècle, en particulier les objets de lac Namban du Japon, c'est-à-dire faits au moment de l'arrivée de ces barbares du Sud, entre guillemets, que c'est le sens du mot Namban en japonais, que sont les Portugais vus par les Japonais dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et au début du XVIIe siècle, il y a comme ça 3-5, en temps normal, coffres de cette période qui sont ici. Et c'est tout à fait exceptionnel quand on pense qu'on n'en a quasiment pas ailleurs dans les collections publiques françaises. Donc voilà, ça fait partie, et ça se vend toujours très cher aux enchères, hein, pour le prix de ces objets. C'est cela, évidemment, de par leur histoire, c'est plutôt au Portugal qu'on les trouve, donc qu'on a des collections importantes. Et pour donner une idée, effectivement, le musée Guimet possède aussi, sur ses propres inventaires, un coffre Namban, mais qui a été acheté dans les années 80. Et oui, voilà, 88, c'est ça. Hey, 1988. Clémence Denry, c'était un siècle auparavant. Parmi les pièces peut-être exceptionnelles, là-bas, j'y connais pas grand-chose en art asiatique, mais ça ressemble à des jades, c'est ça ? Alors, dites-nous, Elisabeth Emery. Oui, donc nous avons évoqué le Japon, mais il y a, et Vincent Lefebvre me dira si c'est le cas, mais il me semble que les plus anciennes pièces de la collection sont de la Chine antique, avec beaucoup d'exemples, les jades notamment, et puis certaines porcelaines. Sur la partie chinoise, on va surtout avoir des pièces d'époque Ming et Qing, donc des deux dernières dynasties, parce que la grande période de l'archéologie chinoise, ça va être au début du XXe siècle, même si il y a une tradition archéologique en Chine beaucoup plus ancienne qu'elle nôtre, parce que ça commence sous les Song, aux alentours du Xe, XIIe siècle, les premiers catalogues. Mais c'est vrai que les collections d'archéologie chinoise, ça va être vraiment début XXe siècle quand même, pour l'essentiel. Mais ce qui peut être un peu trompeur parfois, c'est que puisqu'il y avait cette tradition plus ancienne en Chine, les dernières dynasties, notamment les Qing, ont fait des pièces archaïsantes qui reprennent des formes de la Chine antique. Et donc parfois, surtout sur des pièces qui ne sont pas faciles à dater par le matériau lui-même, enfin, tel que le jade ou autre, face à cet objet, savoir d'emblée, alors après il y a différents signes qui peuvent l'indiquer, mais si on avait face à une pièce vraiment antique ou une pièce archaïsante, c'est pas toujours évident. Et là on est dans l'exposition d'une collection de la fin du 19e siècle avec le goût d'une personnalité, Clémence Denry. On n'est pas du tout dans une muséographie que l'on peut connaître aujourd'hui avec les petits cartels, les petites explications liées à chaque œuvre. J'ai envie de dire que, et c'est ça la magie de ce musée d'Henry, c'est qu'il est resté dans son jus. Donc on avance un peu à tâtons, mais obligatoirement sidéré par l'esthétique qu'offre cette collection. Et on ne sait pas toujours tout ce qui est... C'est quoi cette œuvre ? Exactement. Ouais. Et donc, cette petite sculpture-là, elle a laissé des traces. Parce qu'à un moment, vous avez évoqué le rassemblement de plusieurs maisons et tous les objets dans cette maison. Elle a gardé des carnets de notes pour essayer de retrouver, numéroter les différents objets. Cette petite sculpture a été achetée d'Adolphe Chanton en 1840, par exemple. Donc ça ne nous donne pas la provenance exacte, mais ça nous donne parfois des pistes par rapport à ce qu'elle a acheté dans les premières années. Et puis après, lorsqu'elle voulait remplir la maison pour faire un musée d'État, la multiplication d'objets achetés donc dans les années 90 qui ont un peu dilué le musée que nous avons évoqué de 1859 ou 61 quand elle a fait une exposition à l'hôtel Drouot qui a été chantée par tous les critiques. Ah bah, y a de quoi, hein, parce que c'est impressionnant. Il y a eu cette première salle, là on s'est déplacé, on est dans une deuxième, mais alors là on n'est même plus dans une salle si on continue, parce que c'est... c'est une galerie. C'est absolument fou hein, comme lieu. Il hein. faut le dire, parce que vous avez évoqué Vincent Lefebvre, cabinet de curiosité, mais oui, mais on est dans du cabinet de curiosité thématique XXL. Là. C'est impressionnant. Là, déjà, la grandeur de cette salle, pour l'architecture du 19e, c'est fou. Et puis, ce qu'il y a dedans. Oui, alors en même temps, on est aussi dans l'histoire sur la longue durée de l'hôtel particulier parisien qui se doit d'avoir sa galerie. Et ça, c'est depuis le XVIIe siècle, avec ces galeries qui étaient à décor peint par Lebrun, ou enfin fait par des grands architectes. On est aussi dans cette référence. Donc voilà, et surtout pour les Denry, donc elle-même avait été originaire de la petite noblesse. Adolphe Denry, qui a quand même, c'était Denry enfin, c'était pas son nom d'origine, il l'a changé pour avoir le D apostrophe. Ah oui, la particule, voilà. Mais ça fait donc, mieux. Je pense que se construire un hôtel particulier qui a tous les attributs de l'architecture nobiliaire, ça participait quand même d'un certain statut social. Mais il est encore là, hein, au-dessus de la cheminée. D'ailleurs, la cheminée, elle est en bois sculpté avec encore un buste. Il est là, Adolphe Denry. Clémence est vraiment absente. Hein. Physiquement, on ne la voit pas. Oui, mais sauf que c'est elle qui a tout conçu. Et en particulier, cette grande armoire que Viardot a faite pour elle, avec ses panneaux de lac du Tonkin, que l'on reconnaît à l'inclusion de petits morceaux de nacre. Et c'est une armoire géante, d'autant plus géante qu'elle est en plus surmontée de sculptures de céramique de chiens de feu à nouveau. Ce sont des meubles tous spectaculaires qui sont faits donc pour présenter les objets, qui sont par sécurité, parce qu'ils sont tout petits, puisque c'était un lieu fait pour être visité, posés donc sous des cloches de verre, comme on disait déjà au XVIIIe siècle, lors de l'invention de ce système des vitrines. Et qu'elle a fait, si j'ai bien lu, électrifier pour mieux mettre encore en valeur ces objets. Et donc elle est tout entière dans sa mise en scène, dans son installation, dans son propre théâtre de fantaisie, pour reprendre l'expression des Goncourt. Et elle est partout. Donc c'est elle qui a tout inventé. Elle est partout et en même temps, on n'a pas de représentation. Enfin, on n'en connaît pas, ni de portraits peints, ni de photos, puisqu'on on a déjà vu depuis le début de la visite deux bustes de monsieur. C'est vrai que madame n'est pas physiquement présente, même si, effectivement, je suis d'accord qu'elle est partout. Mais là, c'est l'indianiste qui va vous parler. Ça me rappelle un peu les débuts, les premiers siècles de l'art bouddhique en Inde, où c'est un art qui grouille de figures, mais où le Bouddha n'est jamais représenté sous des traits humains. Il est là, il est présent à travers des symboles, ou voir le trône vide, le cheval sans cavalier. Mais évidemment, le Bouddha est partout. Et Clémence Denry, je ne veux pas choquer les bouddhistes parmi nous, mais c'est un petit peu cet esprit. Nous avons une sorte de représentation aniconique de Clémence Denry à travers son musée. Elisabeth Emery. Ah, c'est une belle image, j'adore. elle n'est pas très intéressante, donc sa participation, sa direction de l'installation, ce qui a disparu sont les tapisseries qu'elle faisait. Elle avait fait des tapisseries pour toutes les chaises, des tapisseries qui pendaient des murs inspirées par l'art indien, en fait, et qui ont disparu, bien sûr, au début du XXe siècle, en pensant à la muséographie qui ne permettait pas à ce qu'il y ait des tapisseries qui pendaient dans les musées. Très étonnant de ne pas avoir aujourd'hui de photographie. Nous sommes quand même sur la fin du 19e siècle et c'est une période où, surtout pour les notables, les bourgeois, enfin, la photographie et même le monde du spectacle, son mari est auteur dramatique, on aurait pu imaginer une photographie d'elle. C'est aussi une histoire du genre qui s'écrit ici, hein, avec la volonté et la capacité de faire de Clémence Denry et puis un effacement, alors peut-être aussi volontaire, faut se poser la question. Oui, alors, histoire féminine du rapport à l'autre, oui, je pense que ce lieu, cette demeure, qui a été l'œuvre de Clémence, en est un bel exemple à Paris. Et on en a des exemples comme cela depuis le XVIIe siècle, en fait, d'espaces intérieurs complètement habités par l'ailleurs et produits par des femmes. Et c'est étonnant de retrouver aussi cela au XIXe siècle. Et Clémence me fait penser à Sarah Bernhardt. On a actuellement une magnifique exposition au musée du Petit Palais sur elle. Et elle a été la première femme à faire une tournée jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et elle en a rapporté des éléments de Pataka, ce qui n'est pas du tout banal. Et elle en a fait probablement un mobilier. Et aujourd'hui, les éléments de Pataka sont au musée du Quai Branly, présentés dans l'exposition. Et Sarah Bernhardt avait elle aussi chez elle un espace de cet ordre-là, de ce type-là. Et cela montre bien ce côté avant-gardiste. J'appelle ces femmes des pionnières, en fait, dans ce domaine. Et on en trouve encore pour l'art africain, en particulier avec Léna Rubinstein, etc. Et c'est un élément très important. Je pense aussi, peut-être, qu'il restait de la place. Enfin, c'est une hypothèse. Il restait de la place sur les collections pour inventer encore quelque chose dans ce marché-là, quelque chose de très spécifique. Et c'est vraiment une chance incroyable d'avoir ce lieu presque comme si elle venait de le quitter. Et je voulais signaler aussi que dans certaines des vitrines sont installés des objets qui, jusqu'à ce qu'elle les mette sous cloche, étaient simplement sur des meubles. C'est-à-dire que ça signifie qu'elle a transformé le regard. Quand on dit qu'elle n'a pas un côté érudit, là, on peut se poser vraiment la question. Elle a un regard qui manifeste un intérêt assez savant sur ces objets. C'est un tourbillon à ce musée d'Henry, parce qu'il y a l'œuvre elle-même, et quand on s'arrête sur chaque œuvre, il y a quelque chose à dire. Et on a dit 7000 à peu près. Donc il y a de quoi dire. Et puis c'est ce regard porté au 19e siècle sur une collection. Et puis c'est un destin d'une femme, Clémence d'Henry. Alors dans cette salle, dans cette galerie, mais il y a tout. Alors, c'est ça dont vous nous parliez tout à l'heure pour attacher les kimonos ? Les netsuke, oui. Netsuke. Voilà. Il y en a énormément. Ah, mais il y en avait. Oui, oui. Puis alors ça a adopté toutes les formes. Alors c'était produit au Japon parce que c'est un. Si j'ose dire, c'est l'équivalent japonais du bouton de culotte, quand même, au départ, le netsuke. Et ensuite, ça devient... Voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu... qui devient un ornement. Et comme ça a bien plu en Occident, il y en a sans doute aussi certains qui ont été produits pour l'exportation. Mais c'est magnifique, hein, parce que ce sont des petits personnages, le plus souvent dans des positions dingues. C'est souvent très humoristique, ah oui, en fait. C'est très, très drôle. C'est très très drôle, c'est pas loin de la caricature, et c'est surtout une réalisation d'une finesse avec... Mais alors je vois, donc, la vitrine, on l'a dit, est sublime, avec les incrustations de Naples, vitrine fabriquée spécialement, général japonais, il y a des petits papiers avec des indications. Ça date du temps de Clémence d'Henry, ou ça a été fait postérieurement? Non, on n'a rien touché. Ah, donc c'est... Ça peut être elle qui a écrit tout ça. Je ne sais pas si c'est de sa main, mais c'est fort probable. Ah oui, des petits papiers noirs avec l'encre jaune. Parce que, en fait, il y a quand même une présentation dont la logique n'est pas tout de suite évidente, mais il y a des regroupements par type de matériaux, par forme. Enfin, il y a une vraie réflexion dans une présentation. Alors, c'est pas de la chronologie, mais beaucoup plus de la typologie qui est mise en avant. Oui, parce que c'est quoi, d'ailleurs, l'organisation de sa collection? Quand on regarde comme ça, on peut s'avancer un peu dans la galerie. Donc on voit par type d'objet, là on peut comprendre, cette galerie-là, c'est quoi l'organisation ici? Je vois, c'est quoi, ce sont des faïences C'est de la porcelaine, de la porcelaine glacurée, et là ce sont que des représentations d'animaux. Ah oui, donc des œuvres qu'elle a su réunir et qu'elle a organisées de cette manière-là. Oui, ici c'est plutôt, alors la porcelaine blanche avec des petits personnages. Là, effectivement, c'est plutôt des personnages un peu qui ont des têtes d'immortels taoïstes, entre autres. Là aussi, avec une dimension un petit peu humoristique. En fait, il y a toujours un goût, quand même, un peu un fil directeur de goût pour le bizarre, plus que les animaux réalistes, c'est les animaux fabuleux, les fameuses chimères, les dragons, évidemment, qui sont très importants en Asie. C'est vraiment un goût très particulier. Et puis, il y a une vraie organisation, hein, Elisabeth Emery. Ça reste un musée. Et Clémence d'Henry l'a pensé aussi comme un lieu d'exposition, un musée. Absolument. Et donc, de son époque, elle changeait de place. Elle essayait différentes installations. Elle voulait voir, elle avait des objets. Nous allons, je les vois là de l'autre, dans l'autre galerie, des deux figures qui étaient dans sa chambre, qu'elle a ensuite montée, puis avec la lumière et les vitrines. Mais il y a un personnage qu'on n'a pas encore évoqué, c'est-à-dire le premier conservateur du musée d'Henry, Émile Dehay, qui en fait était un ami de Clémenceau, qui avait travaillé chez Paul et Frères, donc c'était un marchand à l'époque, repéré par Guimet pour travailler au musée Guimet, installer le musée Guimet, et ensuite nommé par Clémence d'Henry, son conservateur. Donc c'est lui qui a donné beaucoup d'ordres après sa mort, avec son approbation. C'est elle qui, ils ont travaillé ensemble, et souvent il écrit de petits mots, il explique, parce que lui c'est un spécialiste, et elle veut être modeste. Donc on a évoqué le problème des femmes au 19e siècle, enfin les défis. Ce n'était pas considéré comme modeste de dire « je lègue mon musée à l'État » en 82-3-14. Au contraire, quand il disait « je ne suis pas savante », c'est une façon de rester modeste, parce qu'il y avait vraiment un équilibre entre montrer et ne pas montrer quand on était femme. Et puis le musée a un catalogue, évidemment, parce que il est ouvert quand ce musée? Parce que Clémence d'Henry décède en quelle année? 1898. Mais ensuite, il va y avoir des aléas juridiques un peu compliqués, parce que Monsieur d'Henry a une fille naturelle, donc il va y avoir des contestations, des procès. En tout cas, donc, le musée n'ouvre réellement qu'en 1908. Avec donc ce catalogue de 1908 qui existe toujours. Exactement, qui est un mini-catalogue que j'ai apporté pour vous montrer. Un peu faire la visite en visitant les différentes galeries. Et puis qui évoque certains éléments. Les dames dont vous nous avez parlé, Elisabeth Emery, on peut s'approcher, on peut aller les voir. Donc elles sont là dans cette vitrine. Ah oui, mais ça n'en finit plus, hein. C'est sensationnel, parce que ça titille le regard de partout avec toutes ces vitrines. Donc là, nous sommes au Japon. Nous sommes au Japon. Ce sont deux grandes statuettes du 17e, 18e, réputées des fours d'Imari. Il y en a d'autres comme ça dans les collections royales de Grande-Bretagne. Moi, ce qui m'interpelle dans ce musée d'Henry, c'est que quand il est question de collection d'objets venus d'Asie, il y a beaucoup de vaisselle, il y a beaucoup de vases, etc. Vincent Lefebvre, ici, il est très, très peu. On a croisé un ou deux en passant, mais très, très, très peu de vaisselle et de vases. Oui, non, ça, c'était plutôt l'esprit des collections du 17e, 18e siècle, où on recherchait pas forcément de la vaisselle utilitaire, hein, parce que c'était pas des choses, c'était plutôt des objets de décoration, mais c'était effectivement plus des vases, des tasses ou des bols. Mais aussi, on parle d'un terme qu'on a un peu oublié au XVIIe, XVIIIe siècle, les magots, avec ces formes un peu étranges. Et là, on est quand même un petit peu dans cet esprit de l'objet un petit peu bizarre, chinois, quoi. Donc les Chinois dans le sens d'un peu torturé. Le café des deux magots à Paris, ce sont ces magots-là Il me semble bien, oui. Ah, d'accord, donc c'était quoi? C'était des... Bah, les magots, c'était les formes de ces statuettes un peu bizarres, un peu l'ancêtre de ce qu'on peut trouver dans un restaurant chinois aujourd'hui. Donc pas de potiche dans le musée d'Henry, et c'est vraiment une autre forme de collection, oui. C'est un autre regard porté les productions d'Extrême-Orient. Parce qu'on pourrait évoquer un autre contemporain de Clémence d'Henry, Ernest Grandidier, qui lui va constituer une très très importante collection de céramique chinoise et dans une moindre mesure japonaise, qu'il constitue pour vraiment illustrer une histoire de la céramique et de la porcelaine d'Extrême-Orient. Et c'est une collection qu'il va offrir au Louvre et qui aujourd'hui est au musée Guimet. Elisabeth Emery. Alors, d'où, j'allais dire curieusement pour Grandidier, Grandidier et d'Henry ont fréquenté les mêmes marchands en achetant tout autre chose. Donc chacun son créneau dans le marché. Mais ce que j'allais dire, Vincent Lefebvre, vous avez évoqué cette collection qui n'est pas habituelle, d'où les Goncourt en 59. Jules Goncourt dit, mais Quelle idée pour une femme! Eh oui, c'est ça. Et on retrouve toujours ce regard d'étonnement, mais il y a cette volonté d'étonnement, d'ailleurs. C'est ce que vous nous disiez, hein, Sabine Ducret. Il y a du spectacle ici. Et ça, et, ah, ben tiens, ils sont là. Ça, ce sont les coffres dont vous nous avez parlé. Ce sont les, en effet les coffres Namban qui sont arrivés sur le marché européen juste après le début de l'arrivée dans l'autre sens des Portugais au Japon. Et qui sont très rares en fait en France, hein, y compris ces deux petits cabinets miniatures précieux. Ce sont des objets voyageurs, des objets qui sont faits pour traverser les mers et contenir des effets précieux. Et puis pour ce goût des pour les figurines, je pense que c'est aussi important de signaler que Clémence visiblement s'intéresse aux êtres humains et aux animaux, aux êtres vivants en fait. Toutes ces figures que nous avons là sont des figures d'animaux ou des figurines d'êtres humains, parfois en assez grand format. Et on a assez peu d'exemples de collections de ce type auparavant. On en a chez le président de Robien au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle. La collection est à Rennes. On peut la voir au Musée des Beaux-Arts actuellement. Et puis, il y a aussi au sommet des murs rouges, très théâtral donc, comme les rideaux de théâtre et tous les théâtres quasiment au XIXe siècle, ces masques de théâtre. Ah oui, on trouve du théâtre. Alors là, c'est quoi, c'est le théâtre nous Alors, est-ce qu'elle connaissait est-ce que Clémence connaissait le théâtre au Japon et pas seulement le théâtre de son mari? C'est assez déroutant en fait. On n'a pas d'équivalent de ce type de présentation ailleurs. Elisabeth, alors, certains des masques. Alors là, nous avons parlé d'une collaboration dans les années 1890, lorsqu'elle a l'idée de transformer la maison en musée a été acceptée par l'État. Alors, il y a certains qui viennent de Francis Stinnaker, qui était diplomate, et puis Clémenceau, son ami, qui ont acheté beaucoup de masques. Donc, en fait, c'était vraiment un travail de collaboration à la fin, de participation. Les amis venaient. Allez, voici quelque chose pour le musée. Donc, c'est une question qui se pose, à quel point cette idée de mettre les masques venait sur la fin pour le musée public et à quel point ça représente ces goûts de collectionneuse. Ça veut dire qu'ici, il y a eu des cadeaux en fait qu'a reçu Clémence Denry, des cadeaux donc de qui, des Goncourt, de Clémenceau, des choses comme ça. De quasiment tous ses amis, une cinquantaine de personnes qui ont offert. Nous avons beaucoup. Clémenceau était le plus grand donateur. Ouais. Au musée d'Annery. Il y en a un, juste derrière vous, là, c'est ça? Oui, un tout petit Netsuke. Alors, c'est une histoire intéressante parce qu'ils se sont échangés des objets et quand il a accepté d'être son exécuteur testamentaire, en fait pour le musée, la partie musée, elle a mis dans son premier testament, il a droit à 50 objets de son choix. Donc, dans la deuxième édition du testament, elle fait une liste de tout ce qu'il a choisi. C'est marrant quand même, hein, parce qu'ici on croise des formes de mondanité, du goût, d'une certaine élite, il faut le dire. En tout cas, là, il y a de l'argent et puis simplement l'histoire et l'histoire de l'art. Ça n'en finit plus ce musée, Vincent Lefebvre, c'est génial. Si, il y a quand même un bout. Il y a un bout, ce serait par là-bas. Voilà, mais effectivement, quand on arrive au bout de la grande galerie, on se dit, ça y est, il ne peut pas y en avoir d'autres. Et en fait, là, on a encore cette salle aux proportions particulièrement vastes et avec des vitrines cabinets sur des piétements qui sont assez en style Louis XV, un style Louis XV réinterprété, on pensait qu'on était au bout, et en fait, il y en a encore des milliers. Là. Ah, puis c'est doré, et là encore, la richesse des œuvres représentées. On trouve vraiment toujours cette idée de vitrine thématique avec des vitrines toutes blanches, des vitrines toutes bleues. C'est aussi un mode de classement, mais c'est extrêmement légitime, en fait, parce que c'est son goût à Clémence Denry. Hein. Oui, et puis peut-être aussi qu'on a oublié à quoi ressemblaient certains autres musées au XIXe siècle, parce que, puisqu'on est rattaché au musée Guimet, il faut essayer de faire un effort de mémoire, et on peut le faire grâce à des photos aussi qu'on a, à quoi ressemblait le musée Guimet au même moment. Donc il a été, puisque en fait le musée tel qu'on le connaît, c'est beaucoup plus le musée des années 20 et des années 30 que le musée d'Émile Guimet. où autour d'une cour qui a disparu aujourd'hui, qui est couverte, on avait des galeries en style néoclassique avec un rouge pompéien sur les murs et des vitrines, qui étaient, parce que ce n'était pas le musée d'art asiatique, c'était un musée d'histoire des religions. Et Émile Guimet avait organisé sa présentation avec, par iconographie, avec des vitrines extrêmement chargées, parce que pour lui, les sculptures sur les étagères, c'était l'équivalent des livres dans une bibliothèque. Et donc c'était, là aussi, c'est une présentation extrêmement dense, qui est dans l'esprit du 19e siècle, qu'on trouve même dans des lieux qui ne sont pas dans les musées. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans la villa Sant'Agata de la maison de Verdi en Italie. Enfin, on se dit, mais comment est-ce que ce grand esprit a pu vivre dans un espace aussi clos, aussi chargé? Enfin, en fait, il y a un côté très viscontien dans tous ces intérieurs. Et puis c'est vraiment le goût d'un temps, le goût d'un moment qui nous met en relation à regarder, mais qui est là? Alain, qui est là, Villéger. Bonjour. Bonjour. Spécialiste de Pierre Loti. Merci de nous rejoindre dans cette visite. Si l'on veut mettre en relation ce musée d'Henry, ou plutôt la collection de Clémence d'Henry, est-ce qu'a pu constituer Pierre Loti? Ça vous apporte quelle réflexion, cette visite? Je crois qu'on est exactement chez le contraire de ce qu'a voulu Loti dans sa maison. Loti, quelqu'un, un romancier, disait à la fin de sa vie, admirait ses collections, et lui disait, je n'ai pas de collection, je n'ai que des souvenirs. Et il y avait cette idée, effectivement, que les objets avaient une épaisseur de passé, d'affectivité. Ils devaient lui raconter quelque chose. Les salles sont des rêvoirs. Et donc, il n'y a pas du tout de fonction muséale, ni scientifique, savante, chez Loti. Donc, quand il aménage, entre autres salles, une pagode, dite pagode japonaise, et une salle chinoise, la première en 1886, l'autre en 1902, il s'agit avant tout d'objets d'abord rapportés. Lui, il voyage. Lui, il va chercher. En tout cas, il rapporte. Les soutes des navires, c'était pratique, énormément des centaines de kilos d'objets, et qui vont aménager notamment deux salles. Ces salles, on ne va pas trouver des colonnes corinthiennes, on ne va pas trouver des marbres, on ne va pas trouver du Louis XV. Chez Loti, il essaie d'aménager une salle qui est une sorte d'unité fantasmée. Il ne s'agit pas du tout d'une reconstitution scientifique. Les salles, elles ont un pouvoir d'évocation, d'abord pour lui-même et ensuite pour ses visiteurs. Et donc, la pagode japonaise, comme son nom l'indique, elle veut plutôt faire référence à un univers religieux, alors un grand mélange d'éléments shinto, de bouddhisme, mais enfin, à Nagasaki même, les populations mélangeaient souvent les deux. La salle chinoise est plutôt une sorte de grande salle du trône, et donc ce sont deux projets très différents, mais l'univers de Loti, il est le contraire de celui-ci. Alors bien sûr, tout cela est en continuité dans l'histoire du japonisme, de l'histoire du goût pour l'Extrême-Orient, bien entendu. Loti a connu Goncourt. Loti, dans la chrysanthème, par exemple, se moque un petit peu des gens qui ont des collections comme celle-ci. Alors on voit parfois une contradiction dans le fait que lui-même va constituer dans sa maison des salles à thème, mais justement, il n'y a pas l'esprit de collection. Les objets sont hétéroclites, ils ont de la valeur, oui, ils n'en ont pas. Loti, quand même, avait du goût. Ils sont parfois le résultat des pillages au moment de la guerre en Annam ou à la fin de la guerre des boxeurs. Bon, tout cela donc est déjà une histoire très composite, très hétéroclite, mais voilà, c'est un univers de rêve, d'impressionnisme. On a parlé de théâtralisation tout à l'heure, on a même évoqué Sarah Bernhardt, tout cela. Les masques qu'on vient d'évoquer, Loti, il y en avait dans sa première salle qui était dite océanienne. Donc, bien sûr qu'il y a des fils qu'on peut tisser entre cet univers-là et celui de Loti. Mais Loti, il a une place à part. Et puis ici, nous sommes dans l'actuelle avenue Foch, l'avenue Dubois, à Paris, dans un hôtel particulier. Avec Loti, ce n'est pas du tout le cas. D'abord, Loti, il vit à Rochefort et donc il a une vie, on va dire, provinciale. Mais tout de même, il vient souvent à Paris. Il a énormément de fréquentations mondaines, y compris monégasques et autres. Ici, beaucoup de familles aristocratiques le reçoivent. Je viens de mentionner, bien sûr, les milieux littéraires avec Goncourt, avec Daudet et quelques autres. Donc, Loti n'est quand même pas seulement un marin qui vit au large. Il a des réseaux et des relations ici. Mais il vient pas ici pour acheter chez des collectionneurs, chez des marchands, des objets qui... Il l'a fait un peu pour quelques objets égyptiens. Est-ce que vous avez trouvé, vous, Alain Kellavillégé, biographe de Pierre Loti, une mention de Clémence d'Henry ou de la collection? Non, j'avais pas connaissance du tout, même pas de... Enfin, Clémenceau, ils se sont croisés. La dite Clémence, non, à ma connaissance. Mais après, dans son journal intime, il ne nomme pas toutes les personnalités qu'il rencontre. Il y a des grandes soirées avec des tablées nombreuses et des personnalités dont il avait le plaisir, en tout cas, de les fréquenter, mais pour autant, on ne le trouve pas mentionné, non. Eh bien, merci. Merci beaucoup à tous les quatre, Vincent Lefebvre, Elisabeth Emery, Sabine Ducret et Alain Kella-Villéger, de nous avoir présenté à la fois ce lieu, à la fois cette collection et puis ce personnage absolument incroyable, Clémence Denry, et aussi petit clin d'œil à Pierre Loti. Mais pour nous, l'aventure continue. Voici Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi le meurtre de Charles Le Bon a-t-il bouleversé l'histoire des Flandres ? Si vous visitez un jour la cathédrale de Bruges, vous pourrez admirer le reliquaire du comte de Flandre, Charles Le Bon, sculpté en 1883, l'année où le comte a été béatifié par le pape Léon XIII. J'ai décidé de vous parler de ce personnage dans ma chronique d'aujourd'hui, non pas pour tenter de concurrencer Stéphane Bern dans le genre d'histoire qui consiste à célébrer les grands de ce monde. En m'appuyant sur la biographie de Charles Le Bon, publié par l'historien Laurent Feller, mon intention est de montrer ce que le malheur des princes peut révéler sur l'histoire de la société dans laquelle ils vivent. L'Église chrétienne honore, aujourd'hui encore, la mémoire de Charles Le Bon parce qu'il a été assassiné le 2 mars 1127 dans l'église Saint-Donatien de Bruges pendant la messe du mercredi des cendres. Le comte de Flandre a ainsi payé de sa vie une politique qui consistait à pacifier les rapports sociaux au sein de l'aristocratie. C'est dans ce but qu'il avait imposé des restrictions sérieuses au port d'armes ainsi qu'aux pratiques guerrières des nobles du XIIe siècle. En interdisant le pillage au cours des guerres privées, il avait porté atteinte à une coutume ancestrale qui permettait aux vainqueurs de s'enrichir au détriment des vaincus. Suivant à la lettre les recommandations de l'Église, Charles Le Bon espérait que grâce à ces réformes, les litiges se régleraient par la parole, devant des cours de justice, et non plus sur le champ de bataille. Comme cette politique remettait en cause l'identité chevaleresque de la noblesse flamande, elle suscita une forte animosité contre le comte. La haine à son égard fut alimentée aussi par des mesures visant à clarifier les statuts juridiques des élites afin de remettre de l'ordre dans le comté. Charles Le Bon découvrit ainsi que les Hérambaldes, les plus puissants des aristocrates flamands, n'étaient pas issus de la noblesse. La vérification des statuts fut perçue comme une menace directe contre les Hérambaldes, car si leur origine servile était réactivée, ils risquaient d'être privés des charges et des dignités qui fondaient leur pouvoir. C'est cette explication qui est généralement retenue pour expliquer leur décision de commanditer le meurtre du comte. Il semble que Charles Le Bon ait été un prince populaire. Il avait la réputation d'être proche des pauvres, notamment parce qu'il avait décidé d'interdire, en période de disette, la fabrication de la bière pour que le grain serve à fabriquer du pain. Cette popularité explique l'acharnement avec lequel ces meurtriers furent poursuivis et exécutés. L'assassinat de Charles Le Bon eut des conséquences très importantes pour l'histoire des Flandres. Il raviva les guerres intestines au sein de la noblesse locale, ce dont bénéficia une bourgeoisie de plus en plus consciente de sa puissance et de ses droits. Les riches villes flamandes profitèrent de l'affaiblissement du pouvoir aristocratique pour obtenir la reconnaissance de leur autonomie politique. Le meurtre de Charles Le Bon fut ainsi l'un des facteurs qui permit à la ville de Bruges de devenir, au XIIIe siècle, la capitale économique de l'Europe du Nord, en lien permanent avec les grandes villes d'Italie. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Lise Combe, avec aujourd'hui à la technique Morgane Danan. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne-Toscane Vudès, Jeanne Copet, Gillian Tilly et Maïwen Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.